Ok, ah, je suis dedans là. Vas-y, envoie le beat, là, envoie le son, envoie l'instru. Yeah, j'ai commencé avec rien dans les poches. Quelque chose cloche, une flèche décoche et la lune, j'accroche. Non, non, je suis pas dedans, je suis pas dedans. Envoie la même avec un beat plus lourd. Comme ça là. Yeah, voilà ça, négro. Yeah, ça, ça démonte. Fixie prod, 300% autodidacte, bientôt dans les bacs. Yeah, 1. J'ai commencé avec rien dans les poches, quelque chose cloche, une flèche, je décoche, et la lune, je décroche. Double croche de platine, tu sais que je taquine. Peu importe mon mode de transport, y'a le submarine. J'reste en sous-marin, j'sors le périscope quand y'en a besoin. Sors le télescope, je suis tellement loin. J'me lève, j'suis au radar, encore en retard. Je suis couché trop tard, la veille c'était son et pétard. Dans ma vie, trépidante d'artiste, on m'a dit, c'est pas évident, il faut que t'insistes. Aujourd'hui, je reste dedans et je persiste. À mon avis, la reconnaissance n'est pas pour tout de suite. Oh, envoie du lourd, on est là, on fait tout. Oh, envoie du lourd, on est là, on fait tout. Donc la base pour avoir une bonne instru, c'est de commencer sur une très très bonne basse. Et ensuite avec ça, on va y rajouter un petit beat à la Timbaland, magnifique. Remix, yeah. Ok, et ensuite à ça, il faut ajouter une atmosphère un peu fat ambiance, tu vois le truc. Truc d'art sombre.